Bonjour Tiffaine, les auditeurs vous retrouvent demain pour un nouvel épisode d'Entendez-vous l'écho et vous passerez le relais à la compagnie des poètes de Manu Farine. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le roman d'espionnage est traditionnellement considéré comme un sous-genre du roman policier, bien souvent britannique, dont les grands maîtres sont Graham Greene et John le Carré, deux écrivains qui ont structuré cette semaine thématique sur la littérature d'espions dans la compagnie des auteurs. John le Carré d'abord, sur lequel nous nous sommes penchés lundi et mardi. Lundi, c'est Isabelle Perrin qui nous a raconté la vie de le Carré, et en particulier son enfance faite de fêlures avec un père escroc et une mère qui quitte le domicile familial durant une nuit. Le futur écrivain n'était alors âgé que de 5 ans. Et puis Dorothée Huchet a analysé son œuvre sous le prisme de la paranoïa et du complotisme, c'était mardi, à l'heure de la fin des grands récits structurants, qu'ils soient politiques comme religieux. Enfin, Graham Greene, c'était hier, avec François Galix, l'auteur de La puissance et la gloire et de Notre agent à la Havane, a été l'une des inspirations de Le Carré, en lui montrant la voie d'un roman d'espionnage qui ne soit pas caricatural. Qu'en est-il d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer plusieurs romans d'espionnage, des plus anciens aux plus contemporains, nous serons en seconde partie de cette émission en compagnie de Marie Connet, qui publie Épopée aux éditions de l'Ogre, un roman qui entend poursuivre l'exploration de ce genre par d'autres moyens, plus poétiques. Et en première partie, nous sommes avec François Rivière, romancier, scénariste de bande dessinée, critique littéraire. Il est auteur de nombreuses biographies également, dont celle d'Agatha Christie, de Patricia Highsmith ou de Chesterton. Et il a publié cette année aux éditions Payot et en collaboration avec Mario Passa un portrait d'Hitchcock intitulé « Épitaphe pour Alfred Hitchcock » car on sait que le célèbre cinéaste avait demandé que l'on grave sur sa tombe. Et bien voilà ce qui arrive quand on a été un méchant garçon. Mais si nous l'invitons aujourd'hui, c'est pour le volume roman d'espionnage de la Grande Guerre qu'il a édité et présenté chez Bouquin Lafond, dans lequel il dit que l'un des premiers espions de l'histoire de la littérature, eh bien c'est Kim, le héros du roman de Kipling. Kim, avec un extrait duquel je vous propose d'ouvrir cette émission. Qui as-tu adoré là-dedans ? Demanda Kim d'un ton affable en s'accroupissant à l'ombre aux côtés du lama. Je n'ai adoré personne, enfant. Je me suis incliné seulement devant l'excellente loi. Kim accepta sans sourciller cette nouvelle divinité. Il en connaissait déjà quelques douzaines d'autres. Et qu'est-ce que tu fais ? Je m'en dis. Je me rappelle à présent qu'il y a longtemps que je n'ai mangé ou bu. Quelles sont les habitudes en fait de charité dans cette ville ? La demande-t-on en silence, comme nous faisons nous autres du Tibet, ou bien à voix haute. Qui m'en dit en silence, meurt de faim en silence, dit Kim en citant un proverbe indigène. Un extrait lu par Jean Negroni. Bonjour à vous François Rivière. Bonjour. Alors dans cet extrait qu'on a entendu, Kim n'est pas encore un espion, hein. Il va le devenir un peu plus loin dans le récit. Oui, c'est un apprenti espion. Dans le roman, il suit son lama, enfin son gourou, à travers un long voyage, et il découvre en fait que ce sont les espions. En fait, les espions que lui rencontre sur son chemin sont des espèces de crétins qui sont pas du tout l'honneur du renseignement. L'espionnage façon Kim ou façon Kipling, c'est quand même quelque chose de très très embryonnaire. Enfin, on n'est pas encore dans C'est pas James Bond, hein, c'est sûr. On est loin, très loin de James Bond. Et au fond, moi, j'ai lu Kim quand j'avais, je sais pas, 11-12 ans. sans penser du tout à ce que ça, au rapport qu'il pouvait y avoir avec l'espionnage. Enfin, même si au fond c'est quelque chose de fondamental. Je sais quelqu'un a lu, un ami de Kipling qui était Lord Baden-Powell, l'inventeur du scoutisme, a lu lui Kim et s'en est inspiré beaucoup, comme il s'était inspiré du livre de la jungle pour créer la loi scout. Et lui-même, Baden-Powell est devenu espion, un des espions anglais assez opérationnel. En fait, c'est un métier étrange, espion, donc ça explique peut-être très bien en quoi les écrivains s'y intéressent, sont fascinés par l'espionnage et le pratiquent eux-mêmes. Est-ce que c'est un métier réellement d'ailleurs ? C'est pas vraiment un métier. Alors, il y a un des tout premiers auteurs de romans d'espionnage qui s'appelait William Lequeux, qui était d'origine française d'ailleurs. Lui s'est mis à écrire des romans, ce qu'on appelait encore à l'époque pas du tout espionnage, mais des romans d'intrigue internationale, pour pouvoir, avec les droits d'auteur qui touchaient, parce que finalement ces livres marchaient bien, pour pouvoir pratiquer l'espionnage de renseignement, se payer ses missions, parce que c'était l'époque où on était loin d'avoir des officines secrètes qui défrayaient les agents. Est-ce qu'il faut relire Lequeux aujourd'hui ou est-ce qu'on peut oublier cet auteur-là, selon vous, François Rivière ? Je crois qu'on peut l'oublier parce que ce sont des romans foisonnants, mais écrits un peu de la main gauche et qui traitent de sujets, d'époque. Enfin, on est vraiment à la fin du 19e siècle. Hein. On est encore dans le roman populaire anglais assez touffu. Bon, c'est amusant, mais c'est pas très passionnant. Il y en a beaucoup qu'on peut oublier parce que beaucoup d'écrivains du dimanche, entre guillemets, se sont emparés de l'espionnage en se disant que c'était forcément passionnant pour le lectorat. Moi j'ai une expérience de lecteur qui est pas du tout dans la chronologie, c'est-à-dire que je suis tombé dans le roman d'espionnage milieu des années 60 à travers la collection Espionnage des éditions Fleuve Noir, qui était vraiment une littérature d'abattage à ce moment-là, l'espionnage. D'ailleurs, je crois qu'il y a qu'en France qu'on a vraiment créé une collection qui a dû publier près de 2000 volumes consacrés uniquement aux exploits d'agents secrets plus ou moins intéressants, alors que les Anglais justement eux pratiquaient ça de manière beaucoup plus noble. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on cite en passant un auteur qui est pour moi essentiel, qui est Eric Ambler, que Graham Greene aimait beaucoup. D'ailleurs, Greene a écrit sur Ambler des choses pour dire à quel point c'est un écrivain important. Je sais jamais su ce que Le Carré en pensait, mais il pourrait presque faire de l'ombre à Le Carré sur le plan des intrigues. Enfin voilà, mais effectivement l'espionnage... Qu'est-ce qu'il faut lire de lui d'après vous ? Eric Ambler a écrit un chef-d'œuvre qui s'intitule Le Masque de Dimitrios, qui a été d'ailleurs porté à l'écran. Il a écrit un certain nombre de livres, L'affaire d'Etchef, N'envoyez plus de roses, et qui ont tous été édités, enfin, ou réédités dans les années 70, à la fin des années 70, mais qui sont encore plus ou moins disponibles. Malheureusement, je crois que c'est un auteur qui est un peu disparu, alors que Alfred Hitchcock l'adorait. Il a même écrit une très belle préface à un recueil de romans d'Ambler. Mais en France, qui a pas eu le succès qu'il aurait pu avoir. Mmh. Pour revenir un petit peu à Kim, ça paraît en 1901, hein, ce roman de Kipling. Est-ce que tout de même on peut considérer qu'on a là l'une des sources du roman d'espionnage, ou est-ce que ça n'a vraiment rien à voir et il se fait que Kim est un espion, mais ça n'est pas du tout un roman qu'on peut classer dans le genre de l'espionnage? C'est un roman qui évoque ce phénomène du scouting, qui est devenu d'ailleurs un mot qu'on utilise maintenant dans l'édition pour parler des gens qui repèrent les écrivains pour les faire publier. Mais ça a été aussi les scouts au sens justement où Baden-Powell a inventé le scoutisme. Ce sont les éclaireurs, quoi. Donc un éclaireur au sens aussi où l'entendait Fenimore Cooper. Alors là aussi, on a peut-être une source du roman d'espionnage avec Fenimore Cooper, et on remonte encore plus loin, hein, 1821. C'est un peu lointain. Ce sont des espions. Il y a toujours eu des gens. Et Beaumarchais faisait de l'espionnage. Hein. Dans l'Antiquité, il y a eu de célèbres espions dont j'ai oublié les noms. Dans l'Iliade, il est question d'espions. Oui. Non, mais c'est quelque chose de très, très ample. Donc on a un peu de mal à attraper ça. Et c'est vraiment au XXe siècle, c'est vraiment à partir de la guerre de 14 que ça devient quelque chose qui, au fond, se justifie d'une certaine manière avec des auteurs, notamment, effectivement, des auteurs anglais, mais même des auteurs français. D'où votre anthologie, roman d'espionnage de la Grande Guerre chez Bouquin Lafond. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cristallise à ce moment-là, durant la guerre de 14, pour ce genre de la littérature d'espionnage, François Rivière? On a deux nations, enfin plus de deux nations, puisqu'on est au début d'une guerre mondiale, mais on est entre la France et l'Allemagne déjà, on a des renseignements des deux côtés, mais les Anglais n'ont pas attendu, notamment d'ailleurs ce qui est raconté dans un roman qui est justement lui un peu fondateur, qui est l'énigme des sables d'un auteur qui n'a écrit qu'un roman, donc à part les amateurs du genre, on l'a un peu oublié, qui s'appelait un Anglais qui s'appelait Erskine Childers, et qui avait observé lui en tant que lui-même, si je puis dire, en tant que navigateur en naviguant le long des côtes belges et puis après hollandaises et allemandes, il avait vu des manœuvres, des grandes manœuvres maritimes des Allemands, et il avait imaginé tout ça dans les années 1890. Il avait déjà, alors qu'on en parlait bien sûr, hein, d'une possible invasion de l'Angleterre par les Allemands, et puis d'une grande guerre, quoi. Il avait mis ça un peu en forme. Mais dès que la guerre est engagée, bon, les écrivains beaucoup d'auteurs y vont leur contribution à une forme de littérature qui est aussi une manière de propagande. Enfin, D'ailleurs, l'Angleterre, au plus haut niveau, va encourager des écrivains à s'investir dans le roman d'espionnage pour faire justement de la propagande anti-allemande. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu une tentative un peu pittoresque consistant à demander à des écrivains très connus, notamment Chesterton et d'autres, Conan Doyle, oui, c'est ça, tous les écrivains, James Matthew Barry, l'auteur de Peter Pan, dont on peut se demander ce qu'ils faisaient là-dedans, mais c'est parce que tous ces gens étaient bien sûr des patriotes, et puis que dès le début de la guerre de 14, bon, l'hémorragie de la jeunesse anglaise a commencé, ça a été absolument un massacre, enfin on le connaît, mais les jeunes anglais, dont le poète Rupert Brooke, ont laissé leur vie pour la couronne et pour la bonne cause, même si l'Angleterre n'était pas directement en cause, elle. Mais on a demandé effectivement à un groupe d'écrivains très connus de faire un travail de propagande, mais ça a pas tourné à grand chose, dans la mesure où c'était plus il y avait un problème de stratégie, il fallait plus être vraiment opérationnel, mais certains écrivains ont fait de l'espionnage, notamment Somerset Maugham, dont on connaît les missions à travers un personnage qu'il a inventé et mis en scène dans une série de nouvelles, Ashendon, d'ailleurs, qui est le nom qu'il lui utilise tout le temps dans ses fictions pour se décrire, pour se mettre en scène. Et les missions d'Ashendon, espion anglais en mission en Suisse, ça peut sembler un peu mondain, mais ça a joué quand même un rôle, incarné par Somerset Maugham, font partie aussi de cet effort d'écrivain engagé dans le renseignement, puisque très souvent, on leur a demandé de participer à cette forme de guerre. C'est la guerre secrète, quoi. Alors, il faut parler un petit peu de Oppenheim. C'est d'ailleurs avec lui que vous ouvrez votre anthologie. On en parle juste après une lecture d'un extrait de son roman célèbre, L'Imposteur. Vous avez, mon jeune ami, continua Simam après une pause durant laquelle un garçon avait apporté les cocktails et un autre pris les ordres pour le dîner, vous avez gardé un silence louable et discret sur les instructions que vous deviez recevoir aussitôt votre arrivée à Londres. On ne se hasardera pas à vous donner ces instructions par écrit. Elles sont ici, dit-il, en se touchant le front et en vidant son verre. Mes instructions sont d'avoir en vous une confiance absolue, déclara Dominé. Et, en attendant l'arrivée des grands événements, de concentrer la majeure partie de mes forces à mener la vie normale de l'homme dont j'ai pris le nom et dont je tiens la place. Parfaitement, approuva Simon. Il examina la salle un moment, paraissant s'intéresser au public. Sûr enfin que personne ne pouvait l'entendre, il continua. La première idée à vous arracher de la tête, si elle s'y est installée, mon cher ami, c'est que vous êtes un espion. Vous n'êtes pas cela du tout. Vous n'avez pas le moindre rapport avec notre admirable système d'espionnage. Vous êtes un agent libre, pour tout ce qu'il vous plaît de dire ou de faire. Vous pouvez avoir foi en l'Allemagne. où vous pouvez la craindre à votre aise. Vous pouvez suivre le mari de votre cousine dans sa croisade pour le service national, ou bien vous joindre à moi dans mes efforts pour cimenter les liens d'amitié et d'affection entre les citoyens des deux pays. Cela nous est absolument indifférent. Choisissez votre rôle. Vivez entièrement de la vie de Sir Évrard de Dominé, baronnet de Dominé Hall, Norfolk, et suivez exactement la voie qu'aurait suivie, selon vous, Sir Évrard de Dominé lui-même. « C'est vraiment d'un esprit large, » admit Dominé. « C'est du sens commun, » lui fut-il vivement répondu. « Malgré toute votre habileté, il ne vous serait pas possible en 6 mois de modifier la situation de façon appréciable, d'une manière ou de l'autre. Par conséquent, nous préférons vous voir concentrer toutes vos énergies sur une œuvre, une seule œuvre. » Si dans votre mission il y a la moindre touche d'espionnage, ce ne sont ni les Anglais ni l'Angleterre qui doivent retenir votre attention. Nous désirons que vous vous occupiez entièrement et uniquement de Ternilov. Voilà pour cette lecture par Pierre-Marie Baudouin. Qu'est-ce que vous en retenez alors de cet extrait, François Rivière ? C'est un roman admirable. Hein. Kipling disait que l'espionnage c'était le grand jeu, et là c'est vraiment le jeu. Mais alors, c'est l'auteur qui joue un jeu avec le lecteur, c'est-à-dire qu'on a deux espions, un espion allemand, un espion anglais, face à face. Mais il y a un échange. On ne sait pas qui pendant tout le roman. On ne sait pas qui est qui. On découvre qu'à la fin qui était qui, si je puis dire. Et c'est tout l'enjeu du roman, qui est un roman au fond très mondain, qui n'est pas vraiment un roman d'action. Enfin, d'ailleurs, beaucoup d'auteurs de romans d'espionnage, bien après, même s'ils étaient un peu jaloux au fond du fait que Oppenheim ait trouvé une idée absolument géniale pour tenir le lecteur en haleine pendant tout un livre, on estimait que c'était pas un vrai roman d'espionnage. Mais justement, c'est un livre extraordinaire qu'il faut lire. On peut surtout pas, c'est un peu comme le meurtre de Roger Ackroyd, il faut surtout pas dire ce qu'il en est, mais c'est vraiment... Il y a un suspense quoi, qui est fabuleux, qui tient à l'idée du qui est qui. Et d'ailleurs, il a été porté plusieurs fois à l'écran, il a eu un succès extraordinaire, ce livre peut-être un petit peu oublié aujourd'hui. Il a été imité plein de fois, c'est-à-dire que le gimmick du livre a été repris de plein de manières dans des romans d'espionnage qui, évidemment, souvent n'arrivaient pas à la cheville de Oppenheim. Oui, Graham Greene aussi le cite comme un de ses livres inspirants. Oui, Graham Greene qui trouvait que les romans d'Oppenheim, un peu comme ceux d'Edgar Wallace, étaient un peu lourdingues et n'étaient pas toujours des chefs-d'œuvre, estimait que ce livre-là, justement, était une petite merveille. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de Oppenheim lui-même, né en 1866, mort en 1946, on le surnommait le prince des conteurs. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a écrit, qui s'est mis très vite à écrire des romans d'intrigue. Alors justement, ce qu'on appelait le fameux roman d'intrigue international, qui était des romans d'espionnage, grand public, qui se passait souvent dans les grandes villes, à Tanger ou à Monaco, etc. Lui-même, d'ailleurs, a vécu en France, à Cagnes-sur-Mer, où il avait fait construire une villa somptueuse, parce qu'il a gagné beaucoup d'argent avec ses romans. C'était un peu répétitif, mais il a écrit de plein de choses. Il a écrit au moins 150 livres. Il a gagné beaucoup d'argent. C'était un des rois du roman d'action, du roman populaire, avec justement Edgar Wallace et d'autres dans les années entre 1900 et 1940. Quoi. Alors François Rivière, on a l'impression que tout ça se passe quand même surtout dans le monde anglo-saxon et que c'est eux qui ont réussi finalement le mieux dans le genre du roman d'espionnage. Est-ce que c'est vrai ça pour vous? Oui, ça c'est indiscutable. Hein. C'est vraiment les Anglais ont pris un plaisir énorme. Et puis je sais pas, ils ont créé une mythologie de l'espionnage qui est typiquement anglaise. Qu'on a toujours envie de savoir qui était qui. Enfin, il y a les célèbres traîtres à la couronne, et Filby et autres produits du recrutement qui se faisaient dans les universités anglaises, à Cambridge, à Oxford, déjà dès les années 20, peut-être même avant, je sais pas, et dont sont sortis des grands figures de l'espionnage dans la réalité. Et puis là-dessus se sont greffés les écrivains. Le Carré, évidemment, est un bon exemple, puisque lui-même a été recruté très tôt à l'université. À 16 ans. Oui, c'est ça, à 16 ans. Donc, effectivement, c'est un phénomène très anglo-saxon, très très anglais, même s'il y a aux États-Unis aussi une autre manière de faire les choses. Qui est différente. Mais c'est moins romantique, alors que chez les Anglais, il y a quelque chose de romantique, je trouve, et d'assez joli, alors que souvent l'espionnage, tel que justement il a été décrit dans tous ces romans français, justement, de l'école populaire de romans d'espionnage, là on est dans quelque chose d'un peu moins, de plus banal, quoi. Alors, ça ressemble à quoi le roman d'espionnage français? J'ai envie de vous demander ce que vous pensez de Jean Brousse et de OSS 117. Mais il y a peut-être d'autres auteurs français de romans d'espionnage plus intéressants. Les auteurs, effectivement, qui ont marqué par les ventes énormes de leur production, effectivement, Jean Brousse qui écrivait à mes yeux, vraiment, c'est même pas du pied gauche, enfin c'est encore pire. C'est intéressant quand même OSS 117 ou pas du tout? Bon, c'est amusant parce qu'il y a un côté parodique, mais sûrement c'est Jean Brousse et puis d'autres, hein, il y a un duo de Belges qui signaient des romans, Paul Kenny, qui en ont produit énormément et qui avaient des intrigues qui étaient pas forcément mauvaises, mais là aussi l'écriture était quand même un peu balourde, mais les idées étaient pas si mauvaises. De toute façon, le roman d'espionnage a été, si je puis dire, infiltré. Enfin, les auteurs ont subi un peu l'influence de gens qui eux s'y connaissaient. Enfin, avaient des conseillers, enfin ou des informateurs, voilà, des informateurs qui leur apportaient des idées. Les Paul Kenny, par exemple. Et moi, je l'ai su de la bouche de quelqu'un qui a joué un rôle dans leur carrière, qui était Jacques Bergier, le co-auteur du Matin des magiciens, qui lui-même avait fait de l'espionnage pendant la guerre, et qui donnait des idées à ces deux auteurs belges, qui du coup produisaient des livres qui étaient très lisibles, même si ce sont pas des chefs-d'œuvre, loin de là, quoi. Et Gaston Leroux Alors, plus avant ça, oui, il y a eu des auteurs. Bon, Gaston Leroux, c'est devenu, au moment de la guerre de 14, quoi, c'est devenu une contribution obligatoire. Gaston Leroux a envoyé Rouletabille faire de l'espionnage. Puis un type qui est étonnant, qui s'appelait Jean Baumard, qui lui a créé un personnage qui est devenu au fond l'espion français, enfin de la littérature française, le plus connu, qui est le poisson chinois. Il y a même eu des films tirés de ses missions. C'est pas fabuleux, mais c'est quand même aussi une écriture, enfin, qui est due à l'expérience même de l'auteur, qui a lui-même fait du renseignement. En fait, on est toujours dans un... Comme c'est à peu près toujours le cas. Enfin, ouais. On a l'impression que les écrivains ont toujours été eux-mêmes, soit approchés, soit espions eux-mêmes. Oui, ils exploitent souvent leur vie elle-même. Donc, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai pas connu, mais un auteur aussi qui a eu beaucoup de succès dans les années 60, 70, qui s'appelait Claude Ranque, c'est d'ailleurs pas son nom, avait des dossiers extraordinaires, enfin, il connaissait plein de gens partout, jusqu'à l'Élysée, qui le renseignait et qui lui permettait d'écrire des romans qui étaient des romans d'action. On n'était plus tellement dans l'espionnage, on était déjà un peu dans ce qui est devenu ce roman d'intrigue aujourd'hui, ou qui évoque plutôt le terrorisme, évidemment. C'est quoi la différence entre le roman d'espionnage et le roman d'intrigue d'aujourd'hui? Ben, là, on n'est plus dans c'est l'après-guerre froide. La guerre froide, c'est le roman d'espionnage, vraiment, avec le jeu. Donc, John le Carré, il fait du roman d'intrigue. Aujourd'hui, il fait plus. Ah ben, lui, il fait autre chose. Oui, c'est ça. Il dénonce des scandales sanitaires ou autres. Je veux dire que le Carré, c'est avant tout, pour moi, un grand écrivain, quoi. Donc, il peut parler de n'importe quoi. C'est passionnant. Mais effectivement, il a quitté aussi l'espionnage classique. Ouais. She's a red-headed atom bomb baby, a fortified blockbusting gal. When she aims at a target, it's just too bad, because her concentrated action drives a sane man mad. She's used her TNT tactics to bring a man down to her size. It would take a secret weapon or a Superman to harness her energy. There's no if, no or maybe, this atom bomb baby made a total wreck out of me. La Compagnie des auteurs sur France Culture. On parle des espions avec vous, François Rivière, mais il faut parler un peu des espionnes aussi, parce qu'il y en a beaucoup dans votre anthologie. Il y a notamment une femme qui s'appelle Marthe Knokkert. C'est une Belge et elle a une histoire assez particulière, intéressante, et elle a produit un récit qui n'est pas vraiment un roman d'espionnage, mais qui est plutôt un témoignage sur sa vie d'espionne. Alors racontez-nous un petit peu sa vie, justement. Oui, Marthe Knokhart, c'est qui me fascine depuis des années, parce que je vais beaucoup en Belgique et je connais assez bien la littérature belge et les auteurs belges. C'est une paysanne, enfin une paysanne flamande de la ville de Roulers, qui est pas très loin de Ypres, qui a donné son nom à un terrible gaz, l'hypérite, ouais. Qui a été justement, et qui donc cette jeune femme, cette jeune villageoise, voit arriver les Allemands dès le début de la guerre de 14, et comme c'est une patriote, on est un peu dans la mouvance style Lohnspiegel, hein, enfin on est un peu dans cette forme de roman patriotique, sauf qu'elle, c'est un personnage réel. Elle décide d'aider les Anglais, puisqu'on est aussi dans le territoire où tout se passe, enfin où il y a les Allemands qui sont arrivés, qui occupent le terrain, et puis les Anglais qui sont pas loin, les Français. Enfin bon, elle est un peu à l'épicentre de la Grande Guerre, et donc comme elle est très débrouillarde, elle commence à faire des choses, à remplir modestement des missions de renseignement, mais elle est un peu inquiétée par les Allemands qui vont savoir un peu ce qu'elle fabrique, et elle a faim de passer à l'ennemi, c'est-à-dire de collaborer avec les Allemands, c'est-à-dire qu'elle leur dit des choses, alors je sais pas exactement quoi, parce qu'elle l'a jamais raconté de manière très claire, mais elle accomplit des missions dans les deux sens, c'est-à-dire qu'elle devient espion double, ce qui est assez étonnant. Mais tout de même en favorisant l'Angleterre. Elle est avant tout belge, patriote, et elle veut favoriser les Anglais, enfin c'est clair, et ça sera le cas pendant toute la guerre, même si à un moment elle est réellement pris la main dans le sac par les Allemands qui vont la condamner à mort. Et puis elle sera plus à la fin de la guerre, elle sera même décorée par les Allemands et par les Anglais, enfin, et par les Français aussi, et par les Français. Par les Belges, non, c'est un personnage extraordinaire. Bon, elle s'est débrouillée très bien, elle devait être très intelligente. Bon, alors elle a écrit le récit, elle a fait le récit de ses missions, et puis des espions qu'elle a croisés, parce qu'elle n'a pas cessé de rencontrer. Elle travaillait pour des agents de renseignement qui, eux, étaient les personnages plus importants. Elle, c'est pour ça, elle passait un peu inaperçue, parce qu'elle avait un peu de bécassine, mais alors qu'en fait, c'était... Mais elle explique d'ailleurs dans son livre, hein, Les espions que j'ai connus, qu'il faut avoir l'air un peu bécassine, oui, pour que ça marche, parce qu'elle donne un peu des recettes pour être une bonne espionne, et il faut pas se faire trop remarquer. Oui. En fait, elle a même une approche qui est presque pratique et qu'elle dévoile dans son livre. Oui, elle a inventé ou réinventé une manière de faire dans ces moments-là où effectivement des gens très simples, enfin apparemment très simples, des gens modestes, les gens des classes laborieuses, comme dirait un président de la République, qui se mettent au service de leur pays et puis accomplissent des choses extraordinaires. Et elle, c'est le cas. Mais alors, non seulement elle a raconté ses missions, mais elle a écrit des romans. Elle s'est mariée avec un officier écossais, donc elle est devenue Mrs. McKenna, et donc on a oublié son nom d'origine, son nom de jeune fille, et sous le nom de Marthe McKenna, elle est devenue auteure de quelques romans d'espionnage qui sont pas des chefs-d'œuvre, mais qui sont en fait beaucoup moins intéressants que le récit qu'elle a fait de ses exploits d'espionne. Oui. La place des femmes, de manière plus générale, alors soit en tant que personnage, soit en tant qu'autrice, il y en a quand même un certain nombre, hein. Bon, il y a Mata Hari, bien sûr, que tout le monde connaît, il y en a d'autres. Il y a une romancière américaine que j'aime bien, moi qui a malheureusement jamais eu beaucoup de succès en France, parce qu'elle est plutôt considérée comme un auteur de romans sentimentaux, qui est très connue, enfin qui a eu un grand succès aux États-Unis, qui s'appelait Mary Roberts Reinhardt, et qui elle a fait qui était déjà très connue comme romancière, et qui évoluait dans les milieux de la politique à Washington, et qui, pendant la guerre de 14, est venu faire sinon du renseignement, au moins observer un peu ce qui se passait sur le front, et qui n'a pas vraiment écrit là-dessus, mais qui, dans ses mémoires, raconte beaucoup de choses assez intéressantes, où en tant que femme journaliste, elle montre qu'elle avait, non seulement elle avait du toupet, mais qu'elle n'avait pas froid aux yeux, quoi. Mmh. Et puis on peut terminer avec une dernière femme, Délie, c'est une chrétienne, elle. Alors elle n'était pas toute seule, parce qu'elle écrivait aussi avec son frère infirme, Frédéric. Que peut-on dire sur elle, François? Oui, Délie, c'est le nom enfin d'un auteur qui a vendu des millions de livres, qui était la reine du roman sentimental, que les historiens de la littérature ont, ont balancé très vite dans les poubelles, mais qui moi me passionne parce que justement elle a réussi à faire pendant la guerre justement à écrire comme elle avait un lectorat féminin énorme. Elle s'est dit qu'elle aussi elle avait participé à l'effort de guerre en écrivant, en publiant plusieurs romans qui étaient des romans d'espionnage. Sentimentaux, notamment ça le ça va souvent ensemble, il y a toujours un petit côté sentimental ou amoureux dans le roman d'espionnage. Oui, oui, de toute façon, elle associait très bien les choses et elle montrait qu'il fallait être patriote et qu'on pouvait être amoureux et patriote. Merci beaucoup, François Rivière. On va maintenant se tourner vers une autre femme du roman d'espionnage, Marie Connet, qui vient de publier Épopée aux éditions de L'Ogre, où elle avait déjà publié Cordélia, la guerre. Marie Connet, qui explore ce que la poésie fait au polar, nous annonce son éditeur. Mais avant cela, c'est le moment de la chronique de Marc Poré. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Marc Poré, professeur de littérature anglaise à l'École Normale Supérieure, spécialiste notamment de Conrad et bien connu des auditeurs de la compagnie. Bonjour Marc. Bonjour. Vous venez, comme on le fait ici tous les jeudis avec notre petit groupe de grands lecteurs, parler librement de l'auteur ou du thème en l'occurrence dont il est question ici toute la semaine, les espions dans la littérature. Un mot peut-être sur ce qui a été dit jusque-là sur l'origine des romans d'espionnage. Oui, confirmer effectivement l'implantation dans le terreau britannique, anglais. On pourrait citer par exemple parmi les figures Marlowe, hein, le contemporain de Shakespeare, dramaturge rival, disparu dans des circonstances obscures, sans doute espion. Il y avait aussi le maître du roman anglais, Daniel Defoe, hein, avec beaucoup d'activité à son crédit, et sans doute espion également. Et puis Conrad qui a effectivement écrit sur les espions. Quand même l'agent secret. C'est l'agent secret, bah oui. Voilà, donc c'est un fil qui court. Ouais. Alors vous voulez nous parler en particulier de John le Carré, dont oui. Il était surtout question lundi et mardi dans cette émission. Vous lui avez d'ailleurs consacré un article dans le Cahier de Lerne à lui consacré. C'est un monument britannique, c'est presque une mythologie. Ah oui, c'est John une mythologie à lui tout seul. Et comme le disait François Rivière, il a effectivement beaucoup contribué à installer la mythologie de l'espionnage au sein de la culture anglaise. Et sa particularité, c'est que il lit les deux, c'est-à-dire que ses romans d'espionnage à lui sont des romans qui sont au cœur de l'administration, hein, de l'espionnage, au cœur de l'établissement. Et voilà, c'est ça qui fait sa caractéristique. Alors, il y a évidemment une ombre sur John le Carré, c'est un écrivain habité, hanté par la figure paternelle. Complètement, vampirisé presque, ou phagocyté par l'ombre du père qui ne cesse de revenir. C'est un père revenant, c'est un père dérangeant, c'est un père délinquant. Donc son père est un escroc, mais un escroc de haut vol, un escroc international, qui a fait de la prison, et qui, on pourrait dire, c'est une sorte de greffe entre un monsieur sans gêne et puis la vieille canaille chantée par Gainsbourg. C'est quelqu'un qui va s'inviter dans le lit des maîtresses de son fils. C'est quelqu'un qui signe bien sûr des chèques en bois. C'est quelqu'un qui se fait passer pour l'écrivain, à l'étranger en particulier. C'est quelqu'un qui achète les livres de son fils par caisse entière et puis les revend en apposant sa propre signature au centuple. Alors que lui, il n'a probablement jamais ouvert un livre. Lui, il n'a jamais ouvert un livre, oui. C'est pas la culture qui le motivait beaucoup. C'était un grand séducteur, c'était un, comment dirais-je, oui, un hénodiste. Il aimait beaucoup boire et manger. Voilà, excentrique, haut en couleur, délinquant notoire. Et le rapport entre père et fils, c'est magistral. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de revenir sur l'histoire de Hamlet père et de Hamlet fils mais pour ça. Mais c'est sûr que la figure du père pose à Le Carré un problème. Et donc, le problème devient le père ou comment s'en débarrasser. Mm-hmm. Comment va-t-on faire pour... Alors, d'une part, installer au cœur de la fiction de Le Carré un anti-père. Et cet anti-père, ce sera George Smiley. c'est-à-dire un père empathique, un père cultivé, un père intelligent, métaphysique, hein, qui est donc le contraire absolu du père biologique. Hein. Et puis, autre stratégie littéraire, parce que tout ça, évidemment, nourrit hein, l'art de l'écrivain, c'est dans le roman « A Perfect Spy », « Un pur espion », 1986, hein, d'avoir installé le couple, hein, le couple du pur escroc et du pur escroc et du pur espion. Mmh. Et donc, du coup, ça devient vertigineux. On se dit, mais qui est qui, comme on disait tout à l'heure. Alors, en fait, en Angleterre, dans la mythologie anglaise, vous expliquez que la canaille, finalement, n'a pas si mauvaise presse. Il y a quelque chose d'anglais toujours, dans le rapport à la canaille. Il y a toujours eu ça. Tout à l'heure, j'ai évoqué la figure de Defoe, mais enfin, le roman du 18e, qui est le roman fondateur, est plein de ces rogues, hein, c'est-à-dire de ces scélérats, de ces escrocs, de ces canailles, hein, mais des canailles attachantes, enfin, je veux dire, des canailles qui sont rendues presque sympathiques et qui travaillent à installer la délinquance au cœur de toute chose. Merci beaucoup, Marc Poré. On vous retrouve bientôt à ce micro. La compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture, au dernier moment de notre série consacrée aux espions. Elle a commencé avec John le Carré, on a fait ensuite un détour par Graham Greene, nous sommes ensuite revenus avec François Rivière en début de cette émission sur les sources du roman d'espionnage et on termine par la création contemporaine, le renouvellement du genre avec Marie Conné qui explore dans un livre qui vient donc de paraître aux éditions de L'Ogre sous le titre Épopée, ce que la poésie fait au polar et au roman d'espionnage. On va en écouter d'abord un extrait pour se mettre cette prose dans l'oreille. Le corps est allongé sur le côté. Boulevard de la Villette. Une jeune femme, cheveux roux, incoiffable. C'est pas le vent qui est cause, il n'y a pas de vent. Le mois d'hiver commence sous le soleil. Il doit faire 18 degrés sur la place. Regarde le corps. Elle a appelé ses collègues à éloigner les passants. L'homme est allongé sur le côté. Le cou a été garrotté, une main est à terre, caressant le pavé, l'autre tordue sous la hanche, que personne n'approche ni ne touche. La jeune flic fait ce qu'il faut. C'était son jour de repos. Elle rejoignait la manif des prostituées chinoises. C'est un des premiers jours de soleil. Boulevard de la Villette. Un homme est à terre. Étranglé. Nanterre, tu m'y feras pas entrer, plutôt crever. Gégé, un miraculé. Il est tombé dans la Seine. Un monsieur passait par là, il a sauté. Il y avait des remous. Gégé est resté 10 minutes sous l'eau et le monsieur n'a pas hésité, qui aurait pu y rester. Ils se revoient tous les deux. Maintenant, le sauveur et le miraculé. Quand tu reviens de ça, 10 minutes sous l'eau, l'hiver, sans nager, c'est que t'as quelque chose à faire ici. Tu veux dire en ce monde ? Je veux dire en ce monde. Quelque chose à faire du miracle. Obligé. Bonjour Marie Conné. Avant de parler de votre roman en lui-même, j'aimerais d'abord vous interroger sur votre rapport à ce genre du récit d'espionnage, peut-être en tant que lectrice. Oui. Quel est-il ce rapport ? Moi, ça m'intéressait beaucoup de vous entendre tout à l'heure. Je vais lire Oppenheim et Eric Ambler, je vais m'empresser. Ah. Mais j'ai lu John le Carré, tout, et c'est tout, je pense. Alors, à part, sauf Conrad, évidemment, enfin, dont vous avez parlé. Et évidemment, alors si en effet la guerre froide, enfin la grande guerre, deux mondes qui s'opposent et à l'intérieur de ça, l'intrigue internationale tout autour. Il me semble que les deux espions, enfin, les premiers espions que je connais, c'est dans l'Iliade, en effet. Mais là aussi, deux mondes s'opposent. Il y a des espions chez là les Troyens, c'est ça? Oui, ben, des deux côtés, en fait. Des deux côtés, c'est Auchandis de l'Iliade, c'est comme ça, c'est Ulysse, Diomède, qui vont dans le camp troyen pour savoir, pour guetter, pour savoir ce qui s'y passe. Et c'est de l'autre côté Dolon, l'espion troyen, qui va dans le camp grec en même temps. Ils se rencontrent. Et puis, donc c'est assez exemplaire comme les deux mondes se font face, se regardent et sont empêchés de se regarder. Et au milieu, ces traîtres qui font passer, enfin, traîtres dans le sens de faire passer, de passer de l'un à l'autre, et qui ne verront rien non plus, puisqu'ils se... Voilà. Mais voilà, il y a ça. Mais vous êtes traductrice hein, du grec et du latin, ouais, vous avez traduit les métamorphoses d'Ovide, toujours aux éditions de l'Ogre. Ouais. Et il y a aussi le traître dans Virgile, en fait, au chant 2 de l'Énéide, me semble, sinon, avec un nom, sinon. Sinon, donc c'est soit le verbe qui veut dire permettre, je laisse ça possible, soit à entendre avec la négation en fait, s'il n'avait pas été, s'il n'était pas, enfin je sais pas, hein, j'en sais rien. Mais n'empêche que ce traître-là vient se livrer, Strado se livrer, il vient se livrer pour que les Troyens laissent entrer le cheval de Troie. Et voilà, pour moi, c'était ces deux premiers espions-là. Donc, vous nous dites que l'espionnage, il a toujours été là, il a toujours été là dans la littérature, et on en a parlé finalement de manière diverse au fur et à mesure des siècles. Et vous avez voulu un petit peu poétiser, c'est le premier mot qui me vient, mais peut-être que c'est pas le mot que vous auriez envie d'employer. En tout cas, renouveler un petit peu ce genre-là, même si votre livre, ça n'est pas tout à fait. Que ça, et puis ça n'est pas que de l'espionnage, c'est aussi un peu du polar, et puis c'est aussi un peu complètement autre chose. Ouais. Alors expliquez-nous un peu. J'essaye. Si vous y arrivez. Alors si on part du principe que le roman d'espionnage, ou en tout cas que la représentation de l'espionnage, même avec côté parodique ou en jouant sur le code, on part quand même du principe qu'il y a deux mondes qui se font face et qu'entre ces deux mondes ça va circuler. Ce qui moi je crois m'intéresser, c'est que ces deux mondes-là sont enclos, enfin par du grand d'autres mondes, d'autres stratégies internationales complètement indéchiffrables. Et on n'y voit rien. Mmh. Et les personnes qui vont tenter de donner à voir et de faire voir sont elles-mêmes prises au jeu de leur double, qui est qui, vous avez dit, mais je suis l'autre, mais si je suis l'autre, l'autre peut être encore autre, agent double, encore autre, agent triple, et c'est complètement vertigineux. Donc on est dans le brouillard complet. Enfin, on est dans la métamorphose de ce qu'on est toujours à soi-même, et il me semblait que cette multiplicité, en fait, cette immensité à l'intérieur, c'est une sorte de fuite hors de la mort, mais en fait c'est mortifère, en réalité au bout du compte, c'est ce que vivent les, même si c'est très drôle, même si c'est des escrocs, mais on joue tout le temps autour de la mort en fait et autour de l'abîme. Et alors, mais c'est pour revenir à Épopée, il me semblait donc, mais c'est une intuition, hein, c'est rien d'étayé ni de très recherché, ni rien, il me semblait donc que autour des questions d'espionnage, et donc moi j'avais des exemples plus contemporains, mais aussi des exemples antiques, il me semblait donc que ces espions-là se bagarraient pour pas mourir, ou pour mourir moins. Et autant chez Virgile que chez Homère, la scène de la descente aux enfers, au milieu des livres et des épopées, on la trouve en fait. Et donc dans Épopée, qui est un roman d'espionnage, j'espère, enfin une sorte de roman d'espionnage, il y a une scène de descente aux enfers. Alors on va voir si c'est un roman d'espionnage, peut-être en racontant un tout petit peu l'intrigue, même si c'est peut-être pas l'intrigue qui est le plus intéressant dans votre livre, c'est tout de même l'expérience, je crois, de la lecture ligne à ligne. Ça se passe à Belleville. Il y a au moins deux crimes qui ont lieu dans ce quartier. Et puis, il y est question de l'indépendance ouïghour qui donc enflamme les services secrets. Les deux hommes assassinés sont étranglés par un lacet. Il se trouve qu'ils sont ouïghours ou en tous les cas, on a trouvé dans leur poche des cartes d'un restaurant ouïghour dans le 11e arrondissement. C'est là où se niche l'idée du complot, l'idée de l'intrigue internationale qui fait le roman d'espionnage. Oui, alors d'installer l'indépendantisme ouïghour au tout début du roman à Belleville, enfin on est à Belleville, mais on va aller en province aussi, mais c'était dès le départ, oui, parce qu'en réalité, c'est une fausse piste qui suit la Il n'y a que des fausses pistes dans votre roman. Oui, mais elle est même fausse à l'intérieur de la narration, en fait, parce que, ils ont été lancés sur cette piste-là au nom de la lutte contre le terrorisme. On est en 2015. Et en réalité, bon, voilà, donc ça sera des fausses pistes, souvent, oui. Mais on reste pas non plus avec les Ouïghours, puisqu'il y aura aussi d'autres complots internationaux, notamment avec la Libye, le Congo, enfin d'autres. Oui, c'est vrai, c'est dès le début installer la crise, en fait, montrer que la crise n'est pas à un endroit, mais nous dépasse complètement. Et cette crise qui nous dépasse, qui est peut-être une métaphore aussi de l'être humain, vous la traduisez poétiquement. Alors là-dessus, poétiquement, je saurais pas dire, mais je sais comment j'ai travaillé au tout début, quand il me fallait un corps mort au début. Donc ça, c'est à Belleville, c'est la policière qui s'appelle Zelda qui trouve ce corps. C'est ce qu'on a lu, c'est ce qu'on a entendu. Mais j'écris ça en 2015. Et sont les attentats. Et tous les bruits que fait le monde à ce moment-là, que ce soit la radio que j'écoute, que ce soit dans les journaux que je lis, ou que ce soit dans les conversations que j'entends et auxquelles je participe aussi, c'est très très présent. Et ça, je ferai pas. Alors à l'époque et ni maintenant, je peux pas l'écrire. Je peux le saisir, je peux le noter. Et ça, on l'a entendu dans le texte qui a été lu tout à l'heure, ce sont des notations qui sont un peu en marge du texte. Vous les intégrez d'ailleurs graphiquement, voilà, graphiquement d'une manière spéciale. Ouais. Alors peut-être que ça donne quelque chose de l'ordre pas du poétique, mais de la rupture narrative en fait, donc du poétique. Alors, on peut penser à Dos Passos par exemple, ouais. Est-ce que c'est l'une de vos inspirations aussi? Pas trop, mais si, enfin j'adore, mais j'y ai pas pensé consciemment en écrivant le livre. Ouais. Alors vous reprenez à votre compte, Marie Conné, des motifs du roman d'espionnage. Il y a les multinationales, il y a les comptes offshore. On a vu aussi qu'il y avait du complot. Ça signifie quoi d'écrire un roman d'espionnage aujourd'hui? Est-ce qu'on s'inscrit dans une grande tradition littéraire? Ou en tout cas, est-ce que c'est vous, votre démarche? Ou est-ce qu'au contraire, il s'agit d'oublier un petit peu tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a vu, pour faire complètement autre chose? Alors, à la fois, j'ai un défaut qui, pour ça, m'a servi, c'est que j'oublie facilement, hélas, ce que j'ai lu. Oui. Oh, mais peut-être que c'est intégré quelque part coin de cerveau reptilien. En fait, certainement. Par exemple, dans le texte, et ça fait peut-être partie de ce qu'on appelle le poétique dans le texte, il y a un héron, d'ailleurs, c'est pas un scoop. On le voit, il est magnifique sur la couverture. Il est sur la couverture. Et le héron, donc c'est un des personnages que moi j'aime bien dans le texte, qui est souvent accompagnée de ce frémissement, elle de héron, et voir l'image aussi va avec le héron. Mais le personnage qui se rend compte de ça, Zelda, n'en prend pas conscience tout de suite. C'est comme si le héron était là avant qu'elle ait conscience du héron. Elle va en avoir conscience au bout d'un moment. Et puis, à la fin du texte, j'avais terminé. Et puis, je ne sais pas, c'est peut-être les éditeurs qui m'ont dit « Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce héron, en fait? Pourquoi ?» Et ben moi, je ne savais pas. Je ne savais pas pourquoi ce personnage qui s'appelle Fraser est accompagné d'un héron. Mmh. Et d'ailleurs, Fraser, qui est le nom... emprunté à un roman noir de David Goudis que j'adore. Bon, ça c'est parenthèse. Et donc le héron, et je ne savais pas. Et je n'ai pas cherché à savoir plus que ça, parce qu'après tout, il était là. Et en relisant justement ce dont je parlais tout à l'heure, le chant 10 de l'Iliade, au chant 10 de l'Iliade, au tout début, quand Diomède et Ulysse, vêtus de peau de bête pour passer inaperçus entre le camp grec et le camp troyen, s'approchent des camps troyens, Héra, en signe de présage positif, envoie un héron qu'ils ne voient pas, mais qu'ils entendent. Mmh. Ah ah, comme ah dirait ah. John le Carré, hasard et coïncidence. Ça, François Rivière, qu'est-ce que ça vous évoque, ce que dit ici Marie Connet, le rapport à l'Antiquité, et puis cette manière ultra-contemporaine de revisiter des codes classiques qu'on a lus mais qu'on a oubliés? Moi, ça me fait mieux comprendre pourquoi Cocteau, qui était un grand lecteur de romans d'espionnage, et qui disait d'ailleurs qu'il adorait les romans d'espionnage, mais qu'il comprenait rien aux intrigues, pourquoi il s'est tant intéressé au mythe d'Orphée, par exemple. Au fond, Orphée peut être un grand espion, dont on a ignoré la carrière trop longtemps, jusqu'à ce que Cocteau, justement, le mette en scène d'une manière, jusqu'au testament d'Orphée, qui est un espèce d'imbroglio, inspiré, en fait, je crois, plutôt par des romans de science-fiction, mais tout se recoupe. Oui, mais c'est super intéressant ce que vous dites, parce qu'il est là, Orphée. Ah bah, dans votre roman, oui, il y a Orphée et Eurydice aussi. Ouais. Ouais. Il est là sous la forme de ce personnage héron, là, Fraser, et il va chercher Eurydice aux enfers. Et pour moi, c'est le grand, grand espion. Et c'est drôle parce que c'est le grand poète aussi. Mais c'est ça, c'est le musicien, c'est celui dont les accords sont tellement mélodieux que les bêtes féroces tombent sous son charme. Et ça, c'est aussi l'espionnage, parce que on est dans un monde très dur, le monde de l'espionnage, mais on est aussi dans le monde des charmeurs de serpents, ouais, d'une certaine façon. Et c'est peut-être là aussi que c'est intéressant de le voir traduit, en un texte qui est un texte extrêmement travaillé sur le plan littéraire, Marie Connet. C'est un peu comme si ce monde complexe, en fait, presque indéchiffrable, dans lequel tente de mettre de l'ordre ces gens qui essaient de voir et d'y voir clair, qui n'y voient pas grand-chose, comme si, en effet, on tourne autour de cette porte des enfers dans laquelle seul Orphée va essayer de descendre. Marc Poré. Oui, on ne va pas trop en faire là-dessus, mais je pense que... On peut en faire un petit peu, quand même. En anglais, l'escroc, ça se dit « con man » ou bien « confidence man ». Il y a un texte, d'ailleurs, superbe de Melville là-dessus. Hein, c'est pas l'homme à la confiance, mais c'est l'homme qui abuse de la confiance. Et je crois qu'on pourrait établir un rapport entre cette idée de confiance ou de créance. On pourrait dire que la chose littéraire, eh bien, elle induit ou elle attend des lecteurs qu'on suspende une forme d'incrédulité. Mm-hmm. Hein, c'est la fameuse phrase de Coleridge sur la suspension volontaire de l'incrédulité. C'est comme ça que la langue poétique s'impose, c'est parce que quelque chose se suspend. Et donc, quelque part un escroc, ou quelque part un espion, ou quelque part un écrivain, ils jouent tous et tous les trois sur la confiance. Oui. Et ça, je crois que c'est central. Donc, entre le père de John le Carré lui-même, et Marie Connet et son héron, il n'y a finalement pas tellement de différence. Même combat. Même combat, et c'est le combat de l'imaginaire, au fond. Oui, c'est le combat du jeu avec la vérité. Parce qu'on disait tout à l'heure, le Carré, à un moment, il a cru que sa carrière comme écrivain d'espion ou d'espionnage était finie, parce qu'il y avait la chute du mur, il y avait la fin des idéologies. Bon, outre que on voit réapparaître la guerre froide, hein, que la guerre froide n'a jamais vraiment disparu, elle revient. Mais indépendamment même de ces aspects idéologiques et politiques, il y a toujours, hein, et ça c'est l'invariant, c'est le permanent, c'est il y a toujours ce jeu avec la duplicité, mm-hmm, hein, avec la croyance, le fait d'abuser. les écrivains sont des abuseurs. Et des menteurs, mais des menteurs. C'est quand même le mensonge aussi. Hein. Ouais. C'est très souvent le roman du mensonge. Donc, qui est qui ment, qui a raison. Enfin, oui, et on tourne autour d'une vérité qui est souvent politique, donc qui n'en est pas une. Marie Connet. Oui, c'est-à-dire que c'est le menteur, c'est-à-dire c'est celui qui s'excède lui-même. C'est-à-dire il n'y a pas de coïncidence possible entre lui et l'apparence. Et moi, c'est sur l'histoire de l'apparence. Par exemple, dans le roman, dans l'épopée, les personnages, ce n'est pas vraiment des personnages. On n'a pas les traits de caractère avec... On ne sait pas ce qu'ils aiment, on ne sait pas ce qu'ils n'aiment pas, on ne sait pas leur histoire d'avant, ou simplement quelques traits. Un peu comme s'ils étaient simplement des figures, des silhouettes. Parce que des légendes aussi, comme on dit dans l'espionnage. Voilà, j'avais pas pensé. Des légendes. Devant être lues. Devant être lues, voilà, c'est ce qui. Exactement. Et devant être interprétées, donc, et donc crues ou pas. Merci beaucoup, Marie Connet. Votre roman s'appelle donc Épopée, il a paru cette année aux éditions de L'Ogre. L'Ogre où on trouve la plupart de vos ouvrages, comme par exemple votre traduction des Métamorphoses d'Ovide, publiée en 2007. Cette émission n'aurait pas été possible sans Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et Audrey Guélil. Demain, vous retrouvez donc Manou Farine, mais pour l'heure, c'est le moment de la poésie que vous propose Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour tout doucement, ami, si le canari ne chante pas, si le canari, sache que tu es ton propre geôlier. Si le canari ne chante pas, nous sommes dans la semaine des osios avec Jacques Demare et je peux bien chanter comme le merle, tac, tac, tac, sri, tic, tic, tic, tic, à l'attaque, sri, et du tac au tac, taxi, taxi. Le compteur cliquetique et ressort prolixe, mais rideau tiré, tac, de quoi je me merle. Sri tchouk, sri tchouk, sri tchouk. Dominique Hélène, de son côté, répond dans un vers, le ciel est un mot, car le mot oiseau y vole. Est-il écrit, dit, traversé d'ici à là par une ligne, sa façon est-elle très droite ou floue et ardue à définir? Un ton vient à l'oreille allant pour entendre. Que souhaites-tu dire? Vas-y par d'autres voies ayant un autre sens. La chose égale le mot. Une chose égale un autre mot. Des voies mènent. Il n'y a rien, mais tu t'imagines que si. C'est pour quelle oreille que marche ton appareillage à audition floue qui te va tressaillant? Façon de parler. Une oreille dit d'ici le nom dit du mot qui est soit ou oiseau ou oie. Un mot usuel. Dis-le. Et c'est sa façon de nous dire comment le poète, non pas gazouille, mais se livre à la pariade au champ poétique. Jacques Demare, s'emparant de sa pie, répond « Et pie, tchac-tchac-tchac » Jacques Demare, quoi que ça cache, tchatch, ton simulacre en syllabes à blague qui plaque d'inapte charabia sur chaque arlate piaf. Ce débabillage maniaque des ramages de parc ou package en aphrodite Jack, vague viagra de phrase hors Jack. Tout ça parce que, pas cap, tu cales, alors tu calques, volage qui dégoise des craques, parade cavalcade arnaque, lieu de passage à l'acte. Et on se pose avec l'oiseau qui s'efface d'Henri Michaud. Celui-là, c'est dans le jour qu'il apparaît, dans le jour le plus blanc, oiseau. Il bat de l'aile, il s'envole. Il bat de l'aile, il s'efface. Il bat de l'aile, il réapparaît, il se pose, et puis il n'est plus. D'un battement, il s'est effacé dans l'espace blanc. Tel est mon oiseau familier, l'oiseau qui vient peupler le ciel de ma petite cour. Peupler, on voit comment. Ami, si le canari ne chante pas pour toi, si le canari, sache que tu es ton propre geôlier. Scogartrosture, écrire, dit Jacques Demare, c'est traduire en langue l'inarticulé du réel. Et l'inverse. Des mots, revenir au bruit. Oh, ça gocure. Une bécassine des marais trotte sur le macadam, longue patte aussi vite que je marche. Voilà, Jacques Bonafé, merci pour ces lectures de textes de Jacques Demarque.